Écoutez, Jacques rentre chez lui. Tu n'as pas l'air content. Quelque chose qui ne va pas? Je viens d'avoir un petit accident, mais la voiture est bien abîmée. Tu roulais trop vite?